soumis, insoumis. On n'a pas fléché. Note, ça c'est clair et précis. Note, ça c'est clair et précis. T'as fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. Je fais l'euro. Ça fait une perte, t'es à la traîne, à zéro. Et à zéro. Au nom d'une paire, au nom de deux saints, faible d'esprit, c'est malheureux. Éteins le réseau sur les dépôts, y'a plus de poteaux. Ça fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. Tu fais l'euro. Ça fait une perte, t'es à la traîne, à zéro. Et à zéro. Au nom d'une paire, au nom de saints, faible d'esprit, c'est malheureux. Éteins le réseau sur les dépôts, y'a plus de poteaux. T'es sympa, toi, j'ai passé un CLM, on s'arrête. Ça rappe sur le tas, toi tu vis à Sénèque, attends que ça rêve. C'est suspect, il tient tes affaires, comme si je traînais avec. Et toi, tu te confies à moi, comme si j'étais un évêque. Imagine. Rien du tout, non, laisse mon cerveau, il dort. Fais un tour, parle peu et ralentis pas mes neurones. Compatis pas, je suis hacké, je connais l'odeur de la faune. Encrypter des amis comme sur les facture de mon phone. Comportement d'empathie, attends-toi à en pâtir. Quand les problèmes sont pétris, bah la répute n'est plus à faire. Tu veux freestyler fort, je te donne la force, je te donne la force. Et crois-moi, je suis au-dessus ce que ça rapporte. Que ça rapporte. J'ai fait parler mes torts, déjà passé au travers. Donc je pourrais compter les morts quand la vérité traverse. Gonfler mon corps, non issu de la vie maigre. On n'a pas peur de l'effort, laisse-nous sucrer le vinaigre. T'as fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. Tu fais l'euro. Ça fait une perte, t'es à la traîne, à zéro. Et à zéro. Au nom d'une paire, au nom de deux saints, faible d'esprit, c'est malheureux. Éteins le réseau sur les dépôts, y'a plus de poteaux. T'as fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. Tu fais l'euro. Ça fait une perte, t'es à la traîne, à zéro. Et à zéro. Au nom d'une paire, au nom de deux saints, faible d'esprit, c'est malheureux. Éteins le réseau sur les dépôts, y'a plus de poteaux. Y'a plus un père ici. La vision que j'avais du monde qui peut se dissipe. Le peu de bon que je désire, l'on se dessine. Sous les balles, les feux, les bombes, des gens, des ailes. Sonné grave avant le gong, l'esprit des airs. Mental bavard, c'est ce qui dessert. Barre plein phare, évidemment, l'équipe finit à quai. Les carrés grands et muses, y'a des virus qui niquent, on ne peut hacker. La chance, elle repart, elle vient, elle est nomade. Elle est nomade. Je suis en balade, vérité sale, demande à Kleptomike. De marbre, les malhonnêtes parlent si on les interroge. Canne et sans intérêt, parle et ça sans sérum. Les mecs, ils déglutinent, me donnent envie de bégère. Moi, j'étudie mes phases, mes forces pour que ce gaz déferle. On vit dans la colère qu'engendre la précarité. Gros glaire dans leur visage marqué virgule vulgarité. J'avance avec effroi sans laisser faire. J'fais les efforts pour les éteindre. J'aurais vos gosses si j'voulais plaire. T'as fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. Tu fais l'euro. Ça fait une perte, t'es à la traîne, à zéro. Et à zéro. Au nom d'une paire, au nom de deux saints, faible d'esprit, c'est malheureux. Éteins le réseau sur les dépôts, y'a plus de poteaux. Ça fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. Tu fais l'euro. Ça fait une perte, t'es à la traîne, à zéro. Et à zéro. Au nom d'une paire, au nom de deux saints, faible d'esprit, c'est malheureux. Éteins le réseau sur les dépôts, y'a plus de poteaux. T'as fait une paye, tu fais l'euro, tu fais l'euro. T'es à la traîne, à zéro. Moi j'étudie mes phases, mes forces pour que ce gaz déferle.